السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، نعم، مرحبا بكم en cette soirée، نعم، en cette soirée du samedi 12 ربيع الثاني 1429 de l'Hégire، ce qui concorde avec le 19 avril 2008 بإذن عزوجل. Nous sommes toujours avec l'aqid al-wasitiya li Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, expliqué par l'éminent savant Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Nous sommes dans le deuxième tome, dans le cinquième cours du deuxième tome بإذن عزوجل. طيب. La fois passée, on avait terminé le hadith qui parlait de quoi? Qui parlait de la descente d'Allah Azzawajal. Et on va réviser très vite pour dire que les gens de la sunna et du consensus, le sunna ou jama'a, attestent, comme a attesté Allah Azzawajal dans son Coran et comme le hadith a attesté, qu'il est le plus haut, qu'il est le plus élevé, le plus haut, et par conséquent atteste aussi que le Seigneur Azzawajal descend chaque nuit dans le dernier tiers de la nuit et descend jusqu'au ciel, c'est-à-dire le plus proche de nous, ce qui est le premier ciel par rapport à nous, et le septième si on commençait à compter du haut vers le bas. Et Al-Sunnah ou Jama'a disent que sa descente est une vraie descente, une descente qui ne ressemble à aucune descente, comme lui Azza wa Jal ne ressemble à aucune créature et aucune créature ne lui ressemble. Donc comme lui il ne ressemble pas, ses actes et ses attributs ne ressemblent pas aussi. Et en al-kalam an al-sifat far'un an al-kalam an al-dhat, comme tu reconnais que Allah Ta'ala ne ressemble pas à ses créatures, tu dois aussi reconnaître et attester que rien de lui, ni ses attributs, ni ses actes, ne ressemble à quoi? Ne ressemble aux créatures. Naam. Et on avait montré l'égarement de ceux qui disaient que ce n'était pas Allah qui descendait, mais que c'est un ange qui descend, c'est la miséricorde qui descend. On avait montré l'égarement de cela, car ça donnerait automatiquement qu'il y a alors deux seigneurs. Il y a Allah Ta'ala qui est au-dessus du trône et il y a l'ange qui est devenu un seigneur d'après eux, devenu Rabb. Pourquoi? Parce que il demande, il dit qui de vous voudrait-il que je lui pardonne? Qui de vous a-t-il un souhait que je lui exauce? Ou bien ils vont faire de la miséricorde aussi un Dieu, car elle va dire qui de vous a fait des fautes, je lui pardonne, qui de vous voudrait que je lui exauce ses souhaits. Naam. Donc on a terminé, inshallah ta'ala, avec quoi? Avec la descente d'Allah Azza wa Jal. On avait dit que aussi, comme révision, est-ce que le trône se viderait ou pas? Et on a cité les trois avis des ulama et on choisit ou bien de peut dire, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymin, la question, lorsque Allah Ta'ala descend, est-ce que le trône va se vider? On se tait et on dit à la personne, on dit au questionneur, cette question est une, en elle-même est une innovation, est une bid'a, car le prophète alayhi salam ne l'a pas posée et les compagnons ne lui ont pas posé cette question. Naam. Ou alors on choisira naam, la vie de Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah, qui a prouvé dans sa dans son épître qui s'appelle Risala al-Arshiyah, la Risala, le livre du trône, où il a prouvé que Allah Ta'ala, quand il descendait, le trône ne se vidait pas. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Aujourd'hui, Cheikh rahimahullah va citer le deuxième hadith. Le deuxième hadith. Dans ce hadith, nous allons prouver, et d'abord nous allons apprendre un autre attribut d'Allah Azza wa Jal. Un autre attribut d'Allah Azza wa Jal. Naam, avant d'oublier, toujours dans la révision, naam, pour que ça soit parfait, inshallah ta'ala, la descente, vous savez que les attributs se divisent en attributs de l'acte et attributs de l'entité, et aussi attribut de l'acte et de l'entité. Ça veut dire qu'il y a trois sortes. La descente d'Allah Azza wa Jal, naam, c'est un attribut de l'acte, car il dépend de sa volonté. S'il veut, il descend. S'il veut pas, il descend pas. Naam. Quand un attribut dépend de la volonté, on dit c'est un attribut de l'acte. Quant à l'élevation, le fait que Allah Ta'ala soit élevé, établi au-dessus du trône, c'est un attribut de quoi? C'est un attribut de l'entité, car il ne dépend pas de sa volonté. Mais c'est un attribut de quoi? De l'entité. Allah Azza wa Jal, depuis qu'il s'est établi, naam, il n'a jamais fait, c'est-à-dire le contraire. Naam. Bon, je ne parle pas d'établissement, je préfère parler de l'élévation. L'élévation, c'est quelque chose qui ne quitte jamais Allah Azza wa Jal. Qui ne quitte jamais Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'on dit de l'élévation, l'ulou, on dit c'est quoi? On dit c'est un attribut de l'entité. C'est un attribut de l'entité. Quant à l'élévation au-dessus du trône, qui est une élévation spéciale, car elle est au-dessus du trône, naam, et pas comme ça en général, cet attribut est en même temps un attribut de l'entité et en même temps un attribut de l'acte, comme a dit Salah al-Sheikh, car vous savez, Rahimahullah, Hafidahullah, car vous savez que Allah auparavant ne s'était pas encore établi au-dessus de son trône. Ensuite, il s'est établi. Naam. Le hadith d'aujourd'hui, inshallah ta'ala, va parler d'un nouvel attribut qui s'appelle le réjouissement d'Allah Azza wa Jal. Al-Farah, en arabe, Al-Farah, le réjouissement d'Allah Azza wa Jal. Naam. D'abord, je vais lire le hadith, inshallah ta'ala, en arabe. Ensuite, on va l'expliquer bi-idhnillahi Azza wa Jal. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est un hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Je vais vous lire la version de Muslim, inshallah ta'ala. Je vais vous lire la version de Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, L'Allahu ashaddu farahan bi tawbati 'abdihi al-mu'min min rajulin fi ardin dawiyatin mahlikatin ma'ahu rahilatuhu 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu فنام فاستيقظ وقد ذهبت يعني راحلته فطلبها حتى أدركه العطش ثم قال أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشربه فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. Et dans une autre version, il a ajouté, ensuite, qu'a dit cette personne qui a voulu remercier Allah, elle a dit, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Il a dit, akhta'a. Donc, il est question ici d'une personne qui avait une monture, et sur la monture, elle avait le viatique, c'est-à-dire ce qu'elle devait manger, ce qu'elle devait boire, car cette personne est allée en voyage sur, par exemple, un chameau, ou bien un cheval, mais l'essentiel c'est quoi? Qu'elle avait le manger et le boire sur la monture. Quand elle est arrivée en plein désert, elle s'est assise comme ça au-dessus d'un arbre, elle a dormi un peu. Quand elle s'est réveillée, elle n'a plus trouvé sa monture. Elle n'a plus trouvé sa monture. Sa monture l'a quittée. Dans d'autres versions, il est dit que il est tombé de la monture. Il est tombé de la monture et la monture a terminé son chemin toute seule, a couru. Il n'a pas pu la rattraper. Al-Muhim, quand il s'est réveillé, il n'a pas trouvé sa monture. Il l'a cherché à droite, à gauche. En partant vers l'est, vers l'ouest, et en vain, il ne l'a plus retrouvé, il ne l'a pas retrouvé, il a désespéré, il a dit, je vais revenir vers l'arbre, l'arbre où j'étais tout à l'heure, et je vais m'endormir là-bas, et attendre la mort, Vers l'arbre, il est revenu vers l'arbre, il s'est endormi. Ensuite, il s'est réveillé. Il s'est réveillé une deuxième fois. Quand il s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé la monture, devant lui. Parce que la monture était revenue et en marchant, les rênes de la monture se sont accrochées à l'arbre. Donc, elle s'est trouvée coincée à l'arbre. Alors, quand il s'est réveillé, il a trouvé la monture devant lui. Alors il a pris la monture de ses reines et il a voulu faire quoi? Il a voulu remercier Allah Azza wa Jal. Il a voulu dire, Ya Allah, tu es le Seigneur, tu es mon Seigneur et je suis ton serviteur. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Ya Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Le messager alayhi salatu salam a dit que cet homme a dit cela, il a dit il s'est trompé vu la grande joie. Il s'est trompé vu la grande joie qui avait rempli son cœur. Il était dans une joie qu'on ne peut pas décrire. D'ailleurs, au point où il a dit Allah Azza wa Jal, tu es mon Seigneur, je suis ton serviteur. Alors le messager d'Allah alayhi salam, a dit, Allah Ta'ala se réjouit de sa personne, c'est-à-dire du croyant, qui fait le repentir après avoir fait une faute. Allah Ta'ala se réjouit comme la personne, cette personne-là dont on vient de parler, qui était dans le désert, s'est réjoui quand elle a retrouvé sa monture. Vous imaginez, cette personne qui a retrouvé sa monture en plein désert, tu n'as pas la boussole, tu n'as pas une autre monture pour pour essayer d'être sauvé. Il n'y a pas d'hélicoptère qui va venir voler au-dessus de ta tête et on va te retrouver. Naam, tu n'as pas la gourde avec toi pour boire de l'eau, ni rien à manger en plein désert, en pleine chaleur, et tu trouves ta monture. Que contient ta monture, mashallah? Elle contient surtout l'eau, mashallah, tu vas la boire, le manger, mashallah, tu mourras pas de faim, et en plus de cela tu peux la monter et sortir du désert. La monter, c'est elle qui marche, toi tu marches pas, toi si tu veux tu dors, et elle marche des dizaines, des centaines de kilomètres jusqu'à ce que tu arrives, inshallah ta'ala, à la ville. Surtout que le chameau est connu pour le désert. Il peut rester, je ne sais pas combien, je crois un mois ou deux mois sans boire. Et tôt ou tard, inshallah ta'ala, tu arriveras à bon port. Donc cette personne sera sûrement très contente d'avoir retrouvé sa monture. Le hadith dit, Allah Azza wa Jalla sera plus content de son serviteur quand il fait le repentir que cette personne qui a retrouvé sa monture. Naam. Tayyib. Tayyib. Qu'est-ce qu'on va dire donc maintenant? Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que dans ce hadith, il y a plusieurs intérêts. Il y a plusieurs intérêts. On va prendre quelques intérêts bi-idhna azza wa jal. Le premier intérêt est le plus important. C'est de quoi? C'est de savoir que Allah azza wa jal nous apprend par le biais de son messager alayhi salatu salam que quoi? Nous apprend à le connaître en se décrivant ou là ou bien en ce que son messager les décrit comme quoi? Comme quoi il se réjouissait. Nous, si on ne connaissait pas ce hadith, on n'aurait jamais su qu'Allah Ta'ala, parmi ses attributs, qu'il se réjouissait. On ne peut pas savoir une chose pareille. Il nous faut un hadith, ou bien il nous faut un verset. Car Allah Ta'ala, on ne peut le connaître que de par les versets et les hadiths authentiques. Ce n'est pas parce que quelqu'un, par exemple, est très intelligent qu'il peut connaître Allah subhanahu wa ta'ala. C'est impossible. Mais pour connaître Allah azza wa jal, il faudrait avoir un verset ou bien un hadith authentique qui dit que Allah azza wa jal se décrit de tel et tel attribut. Donc mashallah, on vient d'apprendre quoi? Que Allah subhanahu wa ta'ala yafrah, il se réjouit. Et il se réjouit quand, par exemple, il se réjouit quand son serviteur fait le repentir. Quand son serviteur fait le repentir. Naam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jal, yafrah, se réjouit. Comme yaghdab, comme il se met en colère. Comme yakrah, il se déteste. Il déteste. Comme yuhib, il aime aussi. Et ce sont des choses, comme je viens de dire, qu'on ne peut pas connaître comme ça si on ne connaît pas le hadith ou bien on ne connaît pas le verset. Deuxièmement, donc premièrement c'est quoi? Attester que la réjouissance est l'un des attributs d'Allah Azza wa Jal. Naam. Je vais poser la question à Al-Ghuraba. Inch'Allah Ta'ala il pourra me répondre d'après la règle que j'ai donnée tout à l'heure. Ensuite il va vous représenter. Il va vous représenter, Inch'Allah Ta'ala. Je répète la règle et je te pose la question, Ghuraba. pour savoir si un attribut est un attribut de l'entité ou bien de l'acte, on voit s'il dépend de sa volonté ou pas. S'il dépend de sa volonté, on dit c'est un attribut de l'acte. Et s'il ne dépend pas de sa volonté, ne dépend pas de la volonté, mais il est toujours à Allah, toujours avec lui, il ne se départ jamais d'Allah Azza wa Jal, on dit c'est un attribut de quoi? C'est un attribut de l'entité. Tayyib. Maintenant, la réjouissance, Allah Azza wa Jal yafrah. Allah Azza wa Jal yafrah. Est-ce que le fait de se réjouir, c'est un attribut de l'acte ou bien un attribut de l'entité? J'attends ta réponse, Inch'Allah Ta'ala. Je vais te poser la question d'une autre manière. Un attribut de l'acte, de la volonté. Jazakallahu khayran. Car si Allah Azza wa Jal veut, il se réjouit. S'il ne veut pas, il ne se réjouit pas. C'est très simple. C'est pour ça qu'on dit, c'est un attribut de quoi? De l'entité. C'est un attribut de l'acte bi-idhna Azza wa Jal, car il dépend de la volonté. Naam. Autre chose, qu'on peut prendre de ce hadith, c'est quoi? Et c'est une chose très très importante, c'est que la personne, si elle se trompe quand elle est en train de parler, même si elle dit quelque chose qui apparemment c'est du kofr, on ne dit pas à cette personne tu es kafir. Mais on va voir qui est-ce qui l'a poussé à dire cette phrase qui apparemment c'est du kofr. Remarquez bien avec moi que cette personne qui était sur le chameau, qui a perdu son chameau, a dit à Allah Azza wa Jal, elle lui a dit, oh Allah, tu es mon serviteur. Imagine que quelqu'un dise à Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Allah Ta'ala, tu lui dis, je suis ton Seigneur. Est-ce que cette phrase, c'est une phrase apparemment de kufr ou pas de kufr? C'est une phrase apparemment de kufr. Que quelqu'un dise à Allah, je suis ton Seigneur, et lui dit, tu es mon esclave et mon serviteur, apparemment c'est quoi? C'est le kufr. Mais est-ce que cette personne est devenue kafir en disant cette phrase? Elle n'est pas devenue kafir. Bien au contraire, Allah Azza wa Jal s'est réjoui en entendant Allah Azza wa Jal s'est réjoui quand il a su que la personne faisait la tauba. Il a dit qu'il se réjouissait comme cette personne qui retrouvait son chameau. Et le messager alayhi salatu salam, en racontant ce hadith, il n'a pas dit que Allah Ta'ala s'est mis en colère quand cette personne a dit tu es mon Seigneur, en parlant d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Justement parce que elle ne voulait pas dire cette phrase, mais elle voulait dire autre chose. Bien au contraire, elle voulait dire quoi? Elle voulait dire exactement le contraire. Elle voulait dire oh Allah, tu es mon Seigneur, je suis ton serviteur. Mais donc on prend quoi? On prend quelque chose comme intérêt dans la aqida et même dans le fiqh, la jurisprudence en général, quelque chose de très très très très important. C'est quoi? C'est que quand quelqu'un dit une chose, on voit qu'est-ce qu'il a voulu dire. Naam. Ici, on va voir qu'est-ce qu'il a voulu dire. Il va nous dire, j'ai voulu dire, oh Allah, tu es mon Seigneur, et je suis quoi? Et je suis ton serviteur. Mais je me suis trompé. Naam. Donc il a dit du kufr. Il a dit de la mécréance et il n'est pas devenu mécréant. À cause de quoi? À cause de la grande joie qui l'a poussé à dire cette chose. Et la même chose aussi disent les savants quand c'est la grande colère. Quand quelqu'un est dans une grande colère au point où il ne sait plus ce qu'il dit. S'il dit quelque chose qui a un rapport avec la mécréance, ça ne compte pas contre lui. Pourquoi? Car il était dans un état où il ne savait pas ce qu'il disait, ou alors il ne savait pas ce qu'il faisait. C'est pour ça que Allah Ta'ala, le plus miséricordieux, le tout miséricordieux, ne nous châtie pas quand on dit quelque chose qui apparemment c'est du kufr, la mécréance, mais qui on n'a pas voulu la dire. On a voulu dire autre chose et c'est sorti tout seul. Donnons un autre exemple. Moussa, notre prophète alayhi salatu salam, Moussa, Moïse alayhi salam, ça, quand il a laissé son frère avec Ben Israël et il est revenu, il est allé parler à Allah Ta'ala, il est revenu, naam, il a trouvé que les gens ont réadoré, naam, quoi, les statues de nouveau, naam. Il s'est beaucoup beaucoup énervé sur son frère Haroun. Ça, il l'a tiré par les cheveux et par la barbe. Mais qu'est-ce qu'il a fait aussi? Il a jeté la Torah. La Torah, c'est quoi? C'est comme si c'était le Coran de notre jour. C'est la parole d'Allah. La Torah, c'est quoi? C'est la parole d'Allah. Moïse, alayhi salam, Moussa, quand il s'est énervé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté la Torah. Imagine que quelqu'un de vous maintenant prenne le Coran et le jette par terre. Naam. Est-ce qu'on va dire que Moussa salam, est devenu mécréant? Ou là on va dire pourquoi a-t-il jeté la Torah? Naam. Pourquoi l'a-t-il jeté? Quelle est la chose qui l'a poussé pour qu'il l'a jeté? Alors Naam. Maintenant le ghuraba fait saut ou là il n'y a pas de saut? Alhamdulillah. Mais si on va voir si on va voir Moussa alayhi salam, pourquoi il a jeté la Torah, on va trouver que quand il a jeté la Torah, il était dans un état de colère et d'énervement où il ne maîtrisait plus ce qu'il disait et ce qu'il faisait. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala a dit, quelques versets plus loin, après que Moussa alayhi salam ait jeté la Torah, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « Falamma sakata an Moussa al-ghadab akhad al-alwah » Il a dit, et lorsque Moussa alayhi salam s'est calmé et que la colère s'est départie de lui, il a repris quoi ? Il a repris la Torah qu'il venait de jeter, les paroles d'Allah qu'il venait de jeter. Donc remarquez ici, Moussa alayhi salam n'est pas devenu kafir en jetant la Torah. Pourquoi ? Parce qu'il l'a fait sous l'emprise de la grande colère, au point où il ne savait pas ce qu'il faisait. Et exactement le contraire, ce qui s'est passé dans le hadith que je viens de lire maintenant, c'est la grande joie. On a la grande colère et on a la grande joie. Dans la grande colère, si tu dis n'importe quoi sans le vouloir, Allah Ta'ala, le tout miséricordieux, t'excuse. Il sait que dans ton cœur, tu n'as pas voulu dire cette chose, jamais. Non, c'est la grande colère et le shaitan qui t'a fait sortir cette parole de ta bouche. Et la même chose dans la grande joie. Quand c'est dans la grande joie, on peut perdre la raison, on sent qu'on vole dans l'air, on sait plus ce qu'on dit, on est très content, on donne tout notre argent, on pardonne à tout le monde, on peut dire n'importe quoi. Et cette personne ici dans la grande joie, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit « Oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton esclave. » Pardon, « Tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. » Imaginez que quelqu'un dise à Allah « Tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. » Mais Allah l'a excusé, pourquoi ? Car c'est dans la grande joie. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le juge ne pouvait pas juger quand il était dans la grande, quand il est dans la grande colère. Quand quelqu'un est dans la grande colère, si c'est un juge, il n'a pas le droit de juger. Pourquoi ? Parce que étant dans la grande colère, il peut mettre quelqu'un dans la prison pour 20 ans à cause d'avoir volé une banane. Naam. J'ai trouvé qu'ils ont tout volé, ils n'ont rien laissé, des millions, et j'avais des millions aussi de côté, ils ont pris l'or de ma femme, ils ont tout pris. 5 minutes après, j'ai une assise au tribunal. Imaginez avec la colère dans laquelle je suis. Et je rentre au tribunal, le premier venu, on me dit celui-là, c'est un voleur, il a volé, je ne sais pas, il a volé 1 kilo de dattes. Imaginez avec la colère que j'ai maintenant dans le cœur, il est possible que je dise 20 ans de prison. Naam, 20 ans, ou alors coupez-lui la main. Naam, pourquoi ? Je suis dans une colère, je ne peux pas me contenir. La même chose si quelqu'un est dans la plus grande joie, une très très grande joie, on dit en français, il jubile. Khlas, il a perdu sa raison dans sa. Quoi ? Juger entre les gens. Parce que dans la grande joie, qu'est-ce qui va se passer si je suis juge ? On m'amène quelqu'un, on me dit celui-là, il vient de couper la tête de quelqu'un. Moi, tellement je suis content, je dis c'est pas grave, Inch'Allah, ce n'est rien. Une semaine de prison. Non, c'est pas grave, Inch'Allah. Tellement je suis content. Je pardonne tout. Je suis prêt à tout donner. Quand quelqu'un est très très content, trop content, naam, c'est pas la peine que je vous dise, vous savez comment qu'il devient, c'est comme s'il volait en l'air, subhanallah l'adim. Regardez, lorsque la personne Allah Azza wa Jal va lui dire, c'est-à-dire la dernière personne qui va sortir de l'enfer et la dernière personne qui va rentrer au paradis, vous savez dans le hadith authentique que il y a la dernière personne qui va sortir de l'enfer, et la personne qui va sortir de l'enfer, il faut que ça soit un croyant, car le mécréant ne sort jamais de l'enfer. Donc ce croyant, c'est le croyant qui a fait le plus de péchés parmi les musulmans. C'est pour ça que ce sera le dernier à sortir de l'enfer, et bien sûr en même temps le dernier à rentrer au paradis. Allah Ta'ala va lui dire, et le hadith il est dans le Bukhari Muslim, va lui dire, khlas, après un dialogue entre lui et Allah Ta'ala, va lui dire, je t'ai pardonné, rentre au paradis. Quand il va arriver devant la porte du paradis, Allah Ta'ala va faire de sorte que le paradis paraisse complet. Alors la personne, quand elle va essayer de rentrer au paradis, elle trouve trop de monde, c'est complet, il n'y a plus de place. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle revient à Allah Ta'ala et lui dit, ya Allah Ta'ala, c'est complet, il n'y a pas de place, il n'y a plus de place. Allah Ta'ala va lui dire pour la deuxième fois, va rentrer au paradis. Cette personne va se diriger vers le paradis. Quand elle arrive, Allah Ta'ala va faire de sorte que ça lui paraisse que c'est complet. Il va trouver c'est complet, trop de monde. Il revient, il dit ya Allah Ta'ala, c'est complet, il n'y a pas de place. Allah Ta'ala va lui dire pour la troisième fois, va au paradis. Il trouve que c'est complet. Allah Ta'ala veut lui faire comme ça une chose pareille, c'est complet. Naam. Il revient, qu'est-ce qu'il va dire à Allah subhanahu wa ta'ala? Il va lui dire la phrase suivante, atahza'u bi, dans une autre version, atastahzi'u bi. Il dit à Allah Ta'ala, tu te moques de moi, tu te moques de moi, chaque fois que je vais au paradis je le trouve complet, tu te moques de moi. Imaginez que quelqu'un dise Allah Ta'ala, tu te moques de moi. Ta'ala a ri. Et le prophète alayhi salam, en racontant ce hadith, il rit aussi quand il arrive à de moi. Et Allah Azza wa Jal, la quatrième fois ici, il va rire et va lui dire va au paradis. Et cette fois, quand il va rentrer, il va le trouver pas complet, bien sûr, et il va rentrer. El Mohim, est-ce que quelqu'un peut dire à Allah Azza wa Jal, tu te moques de moi, et il ne devient pas kafir? Mais pourquoi cette personne n'est pas devenue kafir? Parce qu'il a dit ça dans la grande cour. Le paradis, il le trouve complet. Classe ici, il perd son esprit et commence à dire n'importe quoi. Et Allah Ta'ala ne lui a pas dit, alors tu viens de sortir de l'enfer et tu dis cette chose, alors tu es un kafir. Maintenant, je vais te rentrer en enfer pour de bon. Mais il lui a pardonné et l'a fait rentrer au paradis. Il y a beaucoup d'exemples en ce sens qui montrent quoi? Qui montrent que quand quelqu'un est dans la grande colère, s'il ne sait plus ce qu'il dit ou ce qu'il fait, s'il fait des choses ou dit des choses, même si c'est apparemment de la mécréance, ça ne compte pas pour lui de la mécréance et il ne devient pas kafir. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la talaqa fi irlaq, la talaqa wala i'taq fi irlaq. Il a dit il n'y a pas de talaq. Le messager d'Allah a dit, il n'y a pas de din et dans la grande colère. Hadith authentifié par Sheikh Al-Albani. Pourquoi? Car quand on est dans la grande colère, on dit n'importe quoi. Et ce n'est pas nous qui nous commandons. Ce n'est pas nous qui nous commandons. Mais c'est la colère qui commande. C'est la colère qui parle à ta place. C'est le shaitan qui est à l'intérieur qui commence à dire n'importe quoi. Alors quand quelqu'un divorce dans la grande colère, il ne savait pas ce qu'il disait, il ne voulait pas dire, c'est sorti de soi-même sans le vouloir. La femme n'est pas divorcée, bi'idna azzawajal. La femme n'est pas divorcée. Naam. Et c'est une rahma. C'est une rahma, alhamdoulilah. C'est une rahma. Naam. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est passé, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il est passé devant deux personnes qui se disputaient à cause de l'eau. Qui des deux personnes devrait d'abord se servir de l'eau, irriguer son jardin et donner à l'autre? L'une des deux personnes, c'était Ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhu, Ibn Ammati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Il est de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam, c'est-à-dire que Ibn Zubayr, j'ai dit Ibn Zubayr, Zubayr ibn al-Awwam lui-même. Zubayr, c'est pas son fils, Zubayr. Zubayr, c'est qui? C'est Ibn Ammati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que Zubayr, sa mère, c'est la sœur du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Muhim, le messager d'Allah a écouté les deux personnes. Ensuite, il a donné raison à Zubayr. Il lui a dit, Zubayr, tu commences, tu irrigues ton jardin et tu donnes quoi? Et tu laisses le deuxième irriguer. Alors, la deuxième personne, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, in kana ibn ammatik. Il lui a dit, ah oui, hein? Ah oui, au messager d'Allah, tu commences par lui, tu lui donnes à irriguer avant moi. Naam, il lui a dit, parce que c'est ton cousin, c'est ta famille, c'est pour ça que tu as commencé avant lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es injuste. Naam, tu n'es pas équitable. Tu l'as choisi et a commencé par lui parce que il est ta famille. Une chose pareille, c'est quoi ça? Une chose pareille, c'est du kofr. Tu dis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu n'es pas équitable. Tu as commencé par ton cousin. Donc tu n'appliques pas la sharia à toi. Allah Ta'ala a demandé d'appliquer la sharia. Et toi, c'est le meilleur modèle et le premier qui doit appliquer avant nous. Et tu as commencé par ton cousin. Mais il n'est pas devenu kafir. Naam, il n'est pas devenu kafir. Pourquoi il l'a fait? Dans un état de grande colère. Car s'il était devenu kafir, le messager d'Allah aurait ordonné, naam, que quoi, qu'on le tue. Car le musulman, quand il délaisse sa religion vers une autre religion, dans la sharia, naam, il n'a plus le droit, naam, de vivre. Il doit être tué. Tué par qui? Par le gouverneur, pas par nous. Pourquoi? Parce que il a laissé l'islam, il l'a délaissé au détriment d'une autre religion. Quant au kafir, non. Quant à celui qui est maintenant mécréant ou là, qu'il reste mécréant, s'il ne veut pas rentrer dans l'islam, naam, c'est lui le grand perdant. Mais si quelqu'un rentre dans l'islam, il n'a plus le droit de le quitter. Il n'a plus le droit de le quitter. Imagine, quand tu fais seulement la hijra, tu fais seulement la hijra, tu quittes ton pays vers un pays musulman pour Allah, tu n'as plus le droit de revenir vers ton pays d'origine, sauf bien sûr pour maladie, pour soins, etc. Alors imagine, maintenant tu es rentré dans l'islam et tout cet islam, ce bel islam, cet immense islam, ce grand islam, tu vas le laisser et pour rentrer dans une autre religion. S'il n'est pas permis de revenir vers ton pays, comment serait-il permis en islam de revenir vers une autre religion, la religion de Kofi? Tout cela pour dire quoi? Pour dire qu'en islam, naam, on ne doit pas vite dire à quelqu'un tu es kafir. S'il dit quelque chose qui apparemment, c'est quoi? C'est du kofr. Mais comme c'est dans le verset, naam, comme a dit Allah Ta'ala, wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Naam, si une personne dans son cœur, naam, elle n'a pas, il n'y a pas de concordance entre le cœur et ce qu'il vient de faire. Ou bien il vient de faire une chose alors qu'il ne veut pas la faire. Il l'a fait sous l'emprise de la colère, sous l'emprise de quoi? On l'a forcé. Naam. Celui-là, il ne devient jamais kafir. Il devient kafir quand lui il choisit. Il dit, naam, je sais que insulter Allah, c'est de la mécréance, mais je vais le faire. Je sais que telle et telle chose, c'est de la mécréance, mais je vais la dire. Celui-là, il devient kafir. Mais quand on le force avec le revolver sur la tempe, ou bien la phrase sort sans qu'il le veuille, sous l'emprise de la grande colère, ou l'emprise de la grande joie, ou bien sous l'emprise de quoi? Sous l'emprise du djehl, de l'ignorance. Naam. Beaucoup de musulmans, sous l'ignorance et l'emprise de l'ignorance, font des choses qui sont du kofr et de la mécréance, ils ne savent pas. Naam. Mais quand quelqu'un fait de la mécréance ou dit de la mécréance, on lui apprend le din, on lui dit attention, ça rentre dans la mécréance, ça rentre dans le shirk. Naam, ne dis plus cela. Comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ne dis pas ma sha Allah wa shi'at, mais dis ma sha Allah. Naam, ma sha Allah wahda, ou bien thumma dans un autre hadith. Ne dis pas ma sha Allah wa shi'ta. Il faut faire la différence. Naam, on apprend aux gens d'abord la religion. On n'est pas des juges. Allah Ta'ala ne m'a pas créé pour être un juge. S'il m'a créé pour être un juge, je dois être un juge sur moi-même. Je me juge moi. Je ne juge pas les gens. Je me juge moi. Moi, avant de dire à une autre personne tu es kafir, est-ce que je suis sûr que moi je ne le suis pas? Je suis sûr que je ne le suis pas. Surtout que le messager d'Allah a dit quiconque dit à une personne tu es kafir, si elle ne l'est pas, ça revient vers lui. Si elle ne l'est pas, la personne à qui tu lui es kafir, si elle n'est pas kafir, ça revient vers toi. Naam. Car toi, en l'entendant dire comme ça, tu as cru qu'il est kafir. Mais tu ne savais pas qu'il a dit là cette chose sous l'emprise de la colère. Ou bien sous l'emprise de l'ignorance. Naam. Et toi, tu, hop, tu t'es hâté, tu as dit, tu t'es hâté, tu t'es précipité, tu as dit il est kafir. Naam, tu as dit il est kafir. Al-Muhim, vous connaissez sûrement la personne qui, avant de mourir, a dit à ses enfants, quand moi je meurs, brûlez-moi et jetez-moi dans la mer. Car si Allah pouvait me ressusciter, naam, yani vraiment, ce serait trop dur pour moi. Alors brûlez-moi comme ça. Si vous me brûlez, vous me jetez en cendres dans la mer, sûrement que je me sauverai, que Allah Ta'ala ne pourra pas me ressusciter. Naam, et Allah Ta'ala l'a ressuscité et ne lui a pas dit tu es kafir en disant que Allah ne peut pas ressusciter, mais lui a dit pourquoi tu as fait cela. Il a dit de peur de toi ya Allah, de peur. J'ai eu peur, je me dis si Allah Ta'ala peut me ressusciter, ce serait trop grave pour moi, vu les péchés, les multiples péchés que j'ai faits. Et Allah Ta'ala lui a pardonné. Le hadith est dans le Bukhari, vous le connaissez bien sûr. Il lui a pardonné, malgré que il a dit de l'ignorance. Il a dit de la mécréance. Il a dit Allah Ta'ala ne peut pas me ressusciter. C'est pour ça qu'il a cru qu'en se faisant brûler, Allah Ta'ala ne peut pas le ressusciter. Ibn Taymiyyah a dit, cette personne a quoi ? A nié la puissance. Il croyait qu'Allah ne pouvait pas ressusciter quelqu'un si on le brûle et il devient de la cendre et on le jette dans le vent. Il ne peut pas Allah Ta'ala le ressusciter. Allah Ta'ala ne ressuscite que la personne qui, si elle meurt, on l'enterre comme ça. Mais si on la brûle, elle devient de la cendre, Allah ne peut pas la ressusciter. Allah Ta'ala lui a pardonné. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, de peur, car il a fait ça de peur. La deuxième, il a fait ça sous l'emprise de l'ignorance. Il ne savait pas. Naam. Maintenant, il y a bien sûr beaucoup de dalil dans ce sens. Naam, beaucoup de dalil dans ce sens. Mais c'est juste pour ouvrir une parenthèse, pour dire aux takfiriyin de quoi que demain quand vous allez rencontrer Allah Azza wa Jal, ce sera très très grave pour vous. Vous qui passez votre temps à dire aux gens il y a kafir, et vous laissez l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? De lui apprendre à connaître Allah Azza wa Jal. Naam, de le rapprocher vers le Seigneur, de lui apprendre naam le tawhid. Naam, ils se font appeler Ansar Tawhid et Mouahid et Mouahida. Naam. Alors que ils sont très très très très très loin de quoi? Du Tawhid. Très très très loin. Les plus loin du Tawhid, ce sont ceux qui croient naam, et prétendent qu'ils sont des Mouahidines et qu'ils ont des salles pour enseigner le Tawhid. Pour eux, le Tawhid, c'est quoi? C'est le Kufr Bittarout. Si tu dis seulement que tel et tel gouverneur arabe est mécréant, masha'Allah, tu as terminé le tawhid, masha'Allah alik, bravo, masha'Allah, khlas, tu as inshallah ta'ala ta place dans le paradis, tu seras avec les messagers et les vertueux et les shuhada et les martyrs, masha'Allah, khlas, Qaddafi et Bouteflika et le Hassan 6, je ne sais pas comment il s'appelle, et Husni Moubarak sont des kuffars, masha'Allah, khlas, tu es au paradis, masha'Allah, va dormir. Khlas, tu es au paradis. Tu as, masha'Allah, ta place, tu l'as réservée. Khlas, ce n'est pas la peine maintenant d'essayer d'apprendre le tawhid. C'est ça le tawhid. Tu as terminé ton tawhid. En une seconde, tu as dit que X est kafir, tu as terminé ton tawhid. Maintenant, tu fais seulement la salat et la zakat et le hajj. Tu connais le tawhid à fond. Tu tiens dans l'anse la plus meilleure. Tu tiens bilharwatil wutqa, masha'Allah alik. C'est pas la peine d'étudier les attributs d'Allah et les noms d'Allah. Naam, l'asma ou sifat, ce n'est plus la peine d'essayer de les apprendre. Car alhamdoulilah, tu as fait le coffre du tarot. Tu as fait le coffre du tarot. Masha'Allah alik. Masha'Allah alik. Tayyib. Maintenant, il a ajouté quelque chose, Cheikh, rahimahullah. il a dit, Allah Ta'ala a dit dans le Coran, لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. Allah Ta'ala, ce n'est pas pour les expressions gratuites dans vos serments qu'Allah Azza wa Jal va vous châtier, mais il vous saisit, il vous châtie pour ce que vos cœurs ont acquis. Naam, cela dépend du cœur, cela ne dépend pas de ce que tu as dit seulement, mais est-ce que ce que tu as dit concorde avec ce qu'il y a dans ton cœur. Naam, des fois je ne veux pas dire à ma femme tu es divorcée, je suis très énervé, naam, et je ne veux pas lui dire tu es divorcée. Je veux lui dire par exemple tu es méchante ou tu es vilaine, une chose pareille, et je me trompe, je dis tu es divorcée. Naam, j'ai pas voulu le dire, mais j'étais tellement en colère contre elle que la phrase est sortie d'elle-même. Est-ce que ma femme est divorcée? Elle n'est pas divorcée. Je n'ai pas voulu dire cette chose. Naam, je voulais dire une autre phrase. Ou bien j'étais sous l'emprise de la colère. Je ne savais pas ce que je disais. Naam, je ne savais pas. Naam. Ensuite, il a dit, mais el-mustahzi, celui qui se moque, celui-là, naam, s'il dit une chose, ça compte contre lui. Ça compte contre lui. Car Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. نعم, لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Allah Ta'ala a dit dans le Coran, et si tu les interrogeais, نعم, pourquoi vous dites des choses pareilles, pourquoi vous dites des choses, نعم, qui apparemment sont de la mécréance, ils vont dire, vraiment nous ne faisions que bavarder et jouer. Naam, on bavardait seulement et on plaisantait. Allah Ta'ala a dit aux messagers, dis-leur, est-ce d'Allah et de ses versets, le Coran, et de son messager que vous vous moquiez? Alors ne vous excusez pas. Vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Vous êtes bel et bien devenu mécréant après avoir cru. Pourquoi? Naam, parce que celui-là, celui qui se moque, il a voulu dire la phrase et il connaissait le sens de la phrase. Naam, celui qui se moque, il dit je me moque, par exemple il insulte Allah, ou bien il insulte le prophète, on lui dit pourquoi tu, ou bien il insulte le Coran, on lui dit pourquoi tu dis des choses pareilles, il dit non je plaisante, hein, je me moque, c'est tout, c'est une question de bavarder, c'est tout. Donc cette personne a voulu dire la phrase, naam, et cette personne a voulu dire le sens de cette phrase, il connaît le sens, alors il ne sera pas excusé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de se moquer de choses pareilles. La même chose pour le divorce. Si quelqu'un dit à sa femme en plaisantant, il dit c'est juste pour plaisanter, il lui dit écoute X, elle lui dit tfadlal, il lui dit tu es divorcé. Elle dit Allahu Akbar, tu m'as divorcé. Ensuite il va rire, il lui dit Masha'Allah, je plaisantais, va nous faire un thé, c'était juste pour plaisanter. Sa femme maintenant est divorcée. Pourquoi? Parce que il sait qu'est-ce que ça veut dire tu es divorcé, et la phrase n'est pas sortie d'elle-même sous l'emprise de la colère, mais il a voulu la dire comme ça sans excuse, mais en croyant que s'il plaisantait, ça ne compterait pas. Alors que le hadith est clair que quand quelqu'un dit à sa femme tu es divorcé, même s'il plaisante, ça compte. Même s'il plaisante, ça compte. Pourquoi? Parce que la phrase n'est pas sortie d'elle-même. C'est toi qui as voulu dire tu es divorcé. Personne ne t'a poussé à le dire. Donc il y a une grande différence entre quelqu'un qui dit la chose sous l'emprise de la colère et la grande colère, quelqu'un qui l'a dit en savant et en sachant, il ne sera pas pardonné. Ensuite, maintenant, de quoi? De la tauba, le repentir. Car le hadith tourne autour du repentir. Le hadith tourne autour de quoi? Tourne autour du repentir. Car cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Naam. Cette personne, quand elle a retrouvé son chameau, elle a dit une phrase qu'elle ne voulait pas dire. Le messager d'Allah a dit, Allah Azza wa Jal se réjouit plus que cette personne qui a trouvé quoi? Qui a trouvé sa monture après l'avoir perdue. Se réjouit de qui? Allah Azza wa Jal, de celui qui fait le repentir. Et pour faire le repentir, il faut 5 ou bien 6 quoi? 5 ou bien 6 conditions. Pour faire le repentir, il faut 5 ou 6 conditions. Chaque condition, il faut la connaître par cœur et voir si on l'a appliquée ou bien on ne l'a pas appliquée. Les conditions du repentir, je les laisse inshallah ta'ala pour le prochain dars. Je les laisse pour le prochain dars bi'idhnillah azza wa jal. Al-Ghuraba, on va inshallah ta'ala répondre à quelques questions, na'am, qui inshallah ta'ala en rapport ou bien avec le dars d'aujourd'hui ou bien avec la aqida en général. Le dars d'aujourd'hui, je dis bien, ou bien la aqida en général. Mais pas les questions qui ont rapport avec le fiqh et qui ont rapport avec le talaq, etc. On les laisse pour les questions-réponses, inshallah ta'ala, qui se fait chaque jeudi et vendredi, bi'idnillahi azza wa jal. Sans tarder, inshallah ta'ala, on commence par Umm Safiya, si elle a une question sur ce que je viens de dire, ou bien sur la aqida, qui est beaucoup plus importante que le talaq et le khul' et le mariage, bi'idnillahi subhanahu azza wa jal. Sinon, ces questions, bien sûr, je sais qu'elles sont aussi importantes, mais seulement on les laisse pour leur moment. Bi'idna azza wa jal. Taïb, on lui enlève le point rouge. Tafadlali. Al-Ghuraba, tu as le micro, inshallah. Al-Ghuraba, si tu as le micro, tu écris mic. Naam, alhamdulillah. Alhamdulillah. Et ça nous fera un plaisir, inshallah ta'ala, d'entendre ta voix, inshallah ta'ala. Naam. طيب laisse inshallah ta'ala la question pour le PV inshallah ta'ala la question pour le PV inshallah ta'ala Atem inshallah ta'ala tafadhal Al-Ghuraba prend la question de Umm Safiya et laisse-la en PV inshallah Atem tafadhal طيب peut-être que Atem n'est pas là on attend quelques secondes s'il n'est pas là on passe à l'autre طيب on passe à mon vélo Wa alaykoum salam wa rahmatullah Atem, tafadhal. Hors sujet, donne-la inshallah ta'ala, donne-la à Wasmo, donne-la à Al-Ghuraba, donne-la à Al-Ghuraba inshallah ta'ala. Mon vélo, tafadhal. Mon vélo, peut-être qu'il n'est pas là aussi. On passe à Umm Sara. Tayyib, tafadhal mon vélo, tafadhal, pose ta question. Salam alaikum, équipe du son. Je voulais vous passer un grand salam, Rémi. En fait, j'ai pas de question précise. C'est que tellement je vous aime, je lève la main et c'est juste pour vous parler. Voilà, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam. Jazakallahu khairan. On passe à Umm Ilyas. طيب Umm Ilyas tafadhali. Al-Ghuraba ouvre tes PV inshallah ta'ala. طيب tafadhal Al-Ghuraba. Commence par Umm Sara ensuite Umm Ilyas tafadhal. Assalamu alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. Donc la question de Umm Ilyas. Assalamu alaykoum, mon mari voudrait ouvrir un salon de coiffure et nous ne savons s'il y a des choses à ne pas faire. Pourriez-vous chire me français qui parle du commerce si je suis hors sujet ne pas répondre barakallahu fikum assalamu alaikum tafaddal chir jazakallahu khair اسمك ال ال غرابة نعم je t'avais dit de commencer par Umm Sara صح Commencer par Umm Sara. Naam. Ensuite, la question de Umm Ilyas n'est pas dans la Aqida. Naam. N'est pas dans la aqida. Shift. Naam. Donc je répondrai inchallah ta'ala à leurs questions jeudi ou vendredi. Jeudi ou vendredi, inchallah ta'ala, je réponds à leurs questions inchallah ta'ala. Naam. Adam, tafadlali. Ma fiche mouchkil. Adam, tafadlali. Salam alaikum. Peut-on dire des doigts Rabbana tirés du Coran en soujoud pendant la salat? J'ai un livre avec 52 Rabbana tirés du Coran. Barakallahu fikum. Faddal shir. Jazakallahu khair. Alaykoum salam wa rahmatullah. Ghuraba, ce n'est pas dans la aqida, c'est dans la salat. Ce n'est pas dans la aqida, c'est dans le fiqh. Naam, naam, c'est dans le fiqh. Naam. Tayyib. Mais je veux dire seulement que, puisque la salat c'est tellement important, et puisque la salat, yani, les gens la font au moins 5 fois par jour, et que c'est très très important, c'est pour ça que je réponds. Naam. Sinon, la question, ce n'est pas dans la aqida. Dans le sujoud, on peut faire des doigts qu'il y a dans le Coran. Les doigts dans le Coran, par exemple, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhta'na. Ou bien Rabbana khfir li wa li walidayya wa lil mu'minin. Je lis comme ça des versets, mais pas en ayant dans l'intention de lire des versets, mais en ayant dans l'intention de faire des doigts. Si c'est comme ça, ça se fait. Mais ce n'est pas bien de faire toujours des doigts avec Rabbana, Rabbana, Rabbana, toujours Rabbana. Naam. Il faut diversifier pour ne pas rentrer dans la bida. Naam. Il n'y a pas des sujoud, des doigts comme ça dans le sujoud où on doit dire Rabbana, Rabbana. Non. On dit n'importe quoi. On n'est pas obligé de dire Rabbana. C'est pour ça que je ne conseille pas à cette personne de suivre ce livre. Naam. Mais de temps en temps, yani, elle fait comme ça une doua, yani, même si elle se trouve dans le Coran. Naam. Mohamed 0504, tafadhal. Salam alaikum, Cheikh. Comment répondre à ceux qui disent que comme les péchés ont été prédestinés par Allah Azzawajal, de ce fait, on n'a pas à se repentir car c'est Allah qui l'a voulu. Et que la personne qui a commis ce péché n'en est pas responsable. Barakallahu fikum. Sinon, quelle est l'édition de votre livre que vous utilisez? Jazakallah khair, Cheikh. Tafadhal. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ya Mohamed, voilà une question très importante. Naam, voilà une question très importante et très très très très bénéfique. Naam. Pour le livre, d'abord, je te réponds pour le livre. Le livre que j'ai ici, ça, c'est pas l'édition, c'est Dartab, comment on appelle ça? Je crois que c'est l'édition. Enfin, la maison d'édition, c'est Ibn al-Juzay. Ibn al-Juzay. Naam. Et tu sais bien que je ne lis pas 100% ce qu'il y a dans le livre, mais que j'explique. Naam, j'explique de ma tête, j'ajoute des choses, etc. Naam. La personne qui dit que les péchés sont écrits, naam, et prédestinés, c'est une secte, fait partie d'une secte qui s'appelle Al-Jabriya. Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Afiyah. Et l'une de ces sectes, et cette secte, yani, elle est toujours présente jusqu'à de nos jours. Elle est toujours présente jusqu'à de nos jours. Al-Jabriya. Cette secte, c'est les Habesh. Les Habesh de nos jours, naam, font partie de cette secte. Car ils disent que les péchés sont prédestinés. Et que, naam, c'est pas ta faute. Si tu bois de l'alcool, si ceci, c'est Allah Ta'ala qui a écrit cela. C'est Allah Ta'ala qui a écrit cela. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit, A'udhu Billah, A'udhu Billah. Si Allah Ta'ala avait écrit le mort, si tu ne fais pas le repentir, il va te châtier demain quand tu vas le rencontrer. Naam. Pourquoi alors? Alors serait-il injuste? Il a écrit que tu allais boire de l'alcool. Ensuite, il va te châtier. N'est-ce pas ça de l'injustice? Naam. Si seulement tu réfléchissais avec ta tête, Tu dis comme Allah Ta'ala, d'un côté, il m'a écrit que j'allais voler aujourd'hui 100 euros. Et demain, Naam, il va me faire entrer en enfer. Et ici, il demande au gouverneur de me couper la main. Alors que c'est lui qui m'a écrit de faire le péché. Naam. Allah Ta'ala m'a écrit de faire la zina. Et il a dit dans le Coran, si quelqu'un fait l'adultère, Naam, il faut le fouetter sans coup de fouet. Et s'il est marié, il doit mourir. Donc ça, c'est de l'injustice, astaghfirullah. Donc Allah Ta'ala ne t'a pas poussé à faire quoi? À faire les péchés. Loin des péchés. Wa yuridu Allahu an yatuba alaykum. Allah Ta'ala veut que vous fassiez la tauba, veut que vous vous éloignez du péché, veut que vous vous rapprochiez d'Allah, veut descendre la lumière dans vos cœurs. Naam. Et Allah Ta'ala n'aime pas le péché. Il n'aime pas que vous le fassiez. Allah Ta'ala aime le mutatahirin, aime tawabin, et aime le mukhlisin, aime sadiqin, mais n'aime pas le voleur, celui qui commet l'adultère, celui qui prend de la drogue. Il n'aime pas Allah Azzawajal. Donc, les péchés, naam, quand Allah Azzawajal a créé les cieux et les terres, 50 000 ans avant de créer les cieux et les terres, il a créé toute personne, il a écrit ce que toute personne va faire dans sa vie, les péchés et les récompenses. Il a écrit seulement, il ne t'a pas dit de les faire. Il a écrit que telle personne va faire la salat, telle personne va aller au hajj, telle personne va faire l'aumône, telle personne va jeûner, telle personne va boire de l'alcool, telle personne va voler, telle personne va fumer de la drogue. Naam. Il a écrit en fonction de quoi? De sa science qui n'a pas de limite. Car Allah Ta'ala, ce n'est pas la peine qu'il attende que tu fasses la chose pour qu'il l'écrive. Nous, on ne peut pas écrire dans un livre que telle personne va faire ceci et cela d'ici demain, d'ici un mois, d'ici 100 ans. C'est impossible, car on ne connaît pas ce qui va se passer. Mais Allah Ta'ala, puisqu'il connaît l'invisible et il connaît, naam, ce qui va se passer à l'avenir, a écrit directement 50 000 ans avant de nous créer, il a écrit tout ce qu'on va faire dans les détails. Mais toi, tu ne sais pas ce que Allah Ta'ala a écrit, premièrement. Et deuxièmement, il t'a pas dit de le faire. Il t'a dit de faire les bonnes choses. Donc, si tu fais une mauvaise chose, c'est toi qui l'as faite. Ce n'est pas Allah Ta'ala qui t'a dit de la faire, ni il l'a écrit contre toi. Mais Allah Ta'ala l'a écrite parce qu'il savait que tu allais la faire, c'est tout. Si Allah Ta'ala savait que tu n'allais pas faire cette chose, il ne l'aurait pas écrite. Mais puisqu'il sait que tu allais la faire, il l'a écrite. Mais il ne t'a pas dit de la faire. Voilà la grande différence, naam, entre ceux qui croient que Allah Ta'ala, quand il a écrit que tu allais boire de l'alcool, car il t'a poussé à boire, jamais de la vie. Allah Ta'ala, il a écrit que tu allais boire de l'alcool parce qu'il savait que tu allais boire de l'alcool. Et Allah Ta'ala ne se trompe jamais. Il ne se trompe s'il dit que cette personne va boire, car il savait qu'elle allait boire de l'alcool. C'est pour ça qu'il a écrit. Allah Ta'ala aurait pu attendre. Allah Ta'ala, s'il voulait, il aurait pu attendre jusqu'à ce que tu fasses le péché, ensuite il l'écrit. Voilà. X a bu de l'alcool aujourd'hui, il l'écrit. X a fait cette chose aujourd'hui de péché, il va l'écrire. Mais Allah Ta'ala n'est pas comme nous, sa science n'est pas comme notre science. Cette chose convient, le fait d'écrire après le péché convient à notre science. Mais Allah Ta'ala, qui ne se trompe jamais, sait que tu allais la faire dans 20 ans, dans 100 ans, dans 2000 ans. C'est pour ça qu'il a écrit d'avance. Naam, il ne peut pas se tromper. Mais si tu n'allais pas faire cette chose, il ne l'aurait pas écrite. Il ne l'aurait pas écrite, sois-en sûr. Car Allah Ta'ala aime ses créatures. Naam. Et il n'aime pas qu'ils font les péchés. Il leur dit attention, ne faites pas de péché. Naam. Mais Allah Ta'ala n'écrit jamais quelque chose contre toi. Ou alors pour qu'il te force à la faire. Astaghfirullah. Allah Ta'ala, c'est le plus juste. Naam. Allah Ta'ala, c'est le plus équitable. Alors ceux qui font des péchés et disent Allah Ta'ala ne m'a pas encore guidé, ceux-là, en disant cette phrase, déjà ils font un autre péché. Cela font deux péchés. Le péché de faire la mauvaise chose, de faire le péché, et le deuxième péché, de mentir sur Allah et dire il ne m'a pas encore guidé. Allah Ta'ala nous a guidés tous et toutes. Tous et toutes, on a été guidés. Il a dit dans le Coran, qu'est-ce qu'il a dit ? وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ. Il a dit, quant à Thamoud, Thamoud, c'est des peuples qui étaient vraiment dans l'égarement et les grands péchés. Il a dit, فَهَدَيْنَاهُمْ, on les a guidés. Alors comment se fait-il que nous, il ne nous ait pas guidés ? Si tu t'as donné, mashallah, le raisonnement, t'as donné le Coran, la Sunna, comment qu'il t'a pas guidé ? Allah Ta'ala t'a guidé, mais toi tu ne veux pas le bien, tu veux le mal. وَأَمَّا ثَمُودُ وَلَتَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ. Il a dit, فَاسْتَحَبُّوا الْعَامَ عَلَى الْهُدَى. فَاسْتَحَبُّوا الْعَامَ عَلَى الْهُدَى. Mais ils ont préféré quoi ? Ils ont préféré l'égarement, etc., au lieu de la guider. Naam. C'est pour cela que Allah Ta'ala les a châtiés. Une seconde. Naam. Donc, il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'excuse pour ceux qui font les péchés. Ils disent que Allah Ta'ala ne nous a pas guidés. Ceux-là, ils font un deuxième péché, car Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ. Il a dit que Thamoud, il les a guidés. Allah Ta'ala a guidé tout le monde. Il t'a donné le raisonnement, il t'a envoyé les messagers, il a descendu les livres. Il reste quoi ? Il reste que toi, tu te guides. Et que toi, tu décides de t'éloigner du péché et d'aller vers le sentier d'Allah Azza wa Jalla. تفضل ان شاء الله لو كلا في لو كلا فوتي تفضل باردون جو كوا او ميديس تفضل غرابة تفضل السلام عليكم او ميديس si vous voulez bien reposer votre question ان شاء الله allo السلام عليكم est-ce qu'il y a du son est-ce que c'est à moi pardon c'est au ميديس je baisse le mic je reprends la main en fait je suis juste après je vais baisser ma main parce qu'elle a posé sa question vas-y. Salam alaikum, mon mari voudrait ouvrir un salon de coiffure et nous ne savons s'il y a des choses à ne pas faire. Pourriez-vous, Cheikh, me conseiller un livre en français qui parle du commerce? Bien sûr, c'est toujours la même question, Cheikh, c'est par rapport au commerce et la sœur me dit que c'est urgent parce qu'ils vont ouvrir le commerce bientôt là. Donc, barakallahu fikum. Le micro, Cheikh. Je ne connais pas de livre en français. Naam, je ne connais aucun livre en français qui parle de ces choses. Mais sûrement que en France, il doit y avoir des livres pareils. Naam. Moi, personnellement, je ne connais aucun livre qui parle de commerce en français. Peut-être que toi, Roi Rabaoula, tu peux la guider et l'orienter, Inch'Allah Ta'ala. Naam, je ne connais aucun livre qui parle du commerce en français. Ensuite, salon de coiffure. Si c'est un salon de coiffure pour femme, c'est clair que c'est haram. C'est clair que c'est haram, car quelles sont les femmes qui vont venir se coiffer? On ne va pas dire à une mécréante, si elle va rentrer, elle va lui dire je ne vais pas te coiffer. Si c'est pour homme, il ne doit les coiffer que de la façon qui ne rentre pas en contradiction avec la charia, avec l'islam. Il ne doit coiffer un homme que avec la façon qui est conforme avec la charia. C'est-à-dire, si un homme va lui dire rasez-moi la barbe, il doit lui dire c'est interdit, je rase pas la barbe. Naam. Et si un homme va lui dire je voudrais que vous me fassiez telle et telle coupe qui est maintenant à la mode, je sais pas, de tel chanteur ou là, il doit lui dire non. Ensuite, s'il lui dit vous me prenez de ce côté et vous ne me prenez pas de l'autre côté, il lui dit non, c'est interdit. S'il lui dit faites-moi un ballon sur ma tête, etc., la mode, il lui dit non, je ne fais pas comme ça, c'est interdit. Il ne doit faire que les coupes qui sont conformes avec l'islam. Naam. Voilà en général, Inch'Allah Ta'ala. Tafadlal le clafouti, tafadlal. Allo, salam alaikum. Vous m'entendez, il y a du son ou pas? D'accord, ok. Excusez-moi pour l'autre fois là. L'autre fois, ce qui paraît, vous m'avez appelé et j'étais absent. Donc, ouais, je m'étais endormi. J'avais attendu trop longtemps et je me suis endormi. Bref. Donc, ma question, c'est. Alors, en fait, c'est une sœur qui me pose la question, qui me demande de vous la poser. Donc, la question, en fait, c'est. Donc, la sœur, elle est convertie. Elle élève toute seule son enfant. Sa mère, elle est pas contre le fait qu'elle soit devenue musulmane. Par contre, le hijab et tout ça, ça lui plaît pas trop. Donc la question c'est, qu'est-ce qu'elle doit faire en ce qui concerne le hijab, sachant qu'elle doit habiter seule et il faut qu'elle travaille pour subvenir à ses besoins. Donc quelle est l'attitude qu'elle doit adopter, la meilleure? Est-ce que par exemple elle doit travailler, c'est-à-dire elle enlève le voile si elle pour aller au travail, etc., etc. Donc en fait, c'est quoi le mieux pour elle, sachant qu'elle peut pas retourner chez sa mère et porter le voile. Voilà, parce que sa mère, elle est défavorable vis-à-vis de ça. Elle est pas contre le fait qu'elle soit musulmane et tout, mais enfin, pour le voile, si. Donc voilà, et cette question-là, et puis une petite, c'était juste quelqu'un qui m'a demandé quelle position on doit prendre vis-à-vis des gouverneurs qui n'appliquent pas les lois d'Allah. Voilà. Barakallahu fiik, assalamu alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Al-Ghuraba, est-ce que vous m'entendez? Naam. Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. Naam. Quand une personne rentre dans la religion, naam, il faudrait que elle accepte tout ce qu'il y a dans la religion. Naam, elle accepte tout ce qu'il y a dans la religion en commençant, au fur et à mesure que j'apprends une chose, je l'applique. Au fur et à mesure que j'apprends une chose, je l'applique. Pour la femme, l'une des choses les plus importantes quand elle rentre en islam, après la salat, c'est le voile. L'une des choses les plus importantes pour la femme qui rentre en islam, c'est de se voiler. Naam. Maintenant, elle se voile et elle cherche le travail. Si elle ne cherche pas, alors elle va vers la deuxième solution qui est le mariage. Alors elle cherche comment se marier avec quelqu'un comme ça qui l'aidera, elle restera à la maison et c'est lui qui travaillera pour la nourrir et pour nourrir son enfant. Et qu'elle fasse bien attention de ne pas dire je délaisse mon voile à cause du travail. Non, je délaisse mon voile à cause du travail, car vraiment ce serait une grande faute et un grand péché, car c'est Allah Ta'ala qui nourrit toute créature. Allah Ta'ala, si tu restes à la maison à cause de lui, naam, il va te faire une issue, comme il a dit dans le Coran, et te faire une issue pour te nourrir bidna azza wa jal, et te faire rentrer de l'argent bidna azza wa jal. Naam, soit en te trouvant un mari, soit en te trouvant un travail qui te conviendrait avec le voile, etc. Non, mais il faut bien qu'elle prenne bien cette chose en considération. En ce qui concerne les gouverneurs, non, les gouverneurs musulmans, je crois qu'il avait parlé de gouverneurs musulmans, non, on ne doit pas, je donne un conseil à ce frère et à celui qui lui a posé la question, que Allah Ta'ala, quand il a dit de juger avec ses lois, il ne s'adressait pas au gouverneur seulement, mais il s'adressait à nous et au gouverneur, car il a dit wa man lam yahkum, man lam yahkum, man, pour ceux qui de vous ont étudié au sol fiqh, les fondements du fiqh, savent que man, ce mot man, induit la généralité. Man, ça veut dire tout le monde. Le gouverneur, le ministre, le directeur, l'imam, le mécanicien, le boucher, moi, mon cousin, ma cousine, mon voisin, mon grand-père, tout le monde doit appliquer les lois d'Allah. Donc je dis à cette personne, avant d'aller chercher est-ce que le gouverneur gouverne avec les lois d'Allah, commence par toi-même. Est-ce que toi, tu gouvernes avec les lois d'Allah? Quand tu es avec ta famille, tu gouvernes avec les lois d'Allah sur ta propre personne. Tu ne fumes pas, tu ne vois pas le haram, tu dis pas le haram, tu fais la prière à l'heure. Tout cela, c'est quoi? Ce sont des lois d'Allah. Si tu ne fais pas la prière à l'heure, tu es le premier à ne pas appliquer les lois d'Allah. Si tu fumes, tu es le premier à ne pas appliquer les lois d'Allah. Si ta femme n'a pas le djilbab, tu es le premier à ne pas appliquer les lois d'Allah. Ensuite, sache que demain, quand tu vas mourir, Allah Ta'ala ne te posera pas la question sur le gouverneur. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah Ta'ala ne me pose aucune question sur le gouverneur. Il ne va pas me dire, est-ce que le gouverneur, na'am, dans ton pays, ou yani, qui te gouvernait, est-ce qu'il appliquait les lois ou pas? Alhamdulillah, il n'y a pas cette question. Mais Allah Ta'ala demandera au gouverneur sur toi. Il posera la question au gouverneur. Il lui dira, X, c'est-à-dire toi qui as posé la question, qui était gouverné par toi, est-ce que tu as appliqué la loi sur lui? Est-ce que tu l'aidais quand il était pauvre? Et est-ce que quand il a volé, tu lui as coupé la main? Et comme ça. Et toi, alhamdulillah, tu n'as aucune question sur la gouverneur, sur le gouverneur. Masha'Allah, masha'Allah, alhamdulillah. Allah Ta'ala ne va pas me poser des questions, mais va lui poser les questions à lui. Naam. Donc attention, mon frère, les takfiriyoun vont rentrer par cette porte et te dire, regarde, il ne juge pas par l'islam, et toi, tu n'as pas dit de lui, il est kafir. N'ayant pas dit de lui, il est kafir, tu es devenu kafir. Et moi, je te dis, attention, tu tombes dans cette grande faute, dans ce puits, profond puits, et tu ne sortiras jamais de ce puits. Après avoir piqué, attrapé le virus du takfir, personne ne peut sortir de ce takfir, sauf vraiment, vraiment des exceptions. Cela est vu, naam, et pris de l'histoire de l'islam. Aucun naam qui a pris le virus du takfir n'est revenu, que vraiment, vraiment des cas exceptionnels qui se comptent sur quoi? Sur le doigt, les doigts. Pourquoi naam, barakallahu fik, barakallahu, pourquoi? Parce que ils vont t'éloigner de la science. Ils vont te dire, la science, c'est pas une chose obligatoire. L'obligatoire, c'est de savoir le gouverneur, s'il est mécréant ou pas. Alors du matin au soir, tu dois dire, il est mécréant, il est mécréant, il est mécréant, il est mécréant. Naam, j'ai fait le coffre du tarot, j'ai fait le coffre du tarot, j'ai fait le... Et tu ne vas rien apprendre dans ta religion. Tu vas rester comme un grand ignorant. Ne rien savoir dans la religion et passer ta journée à dire, il est kafir, il n'est pas kafir, je sais pas, je vais chercher, il est tarot, il n'est pas tarot. Voilà une nasiha que je te donne à toi, inshallah, et à tous les autres. Tfadl, Jum'ai, tfadl. Salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh, Cheikh. Quel est le jugement d'une personne qui dit à son frère fillah, s'efforçant de suivre le vrai minhaj, la vraie voie, donc taqi, ta aqida est nulle, yani ta aqida, aqidatuka, laysa sahiha. Es-tu sûr que tu es salafi? Il est évident que tu n'es pas un salafi. Yani, c'est une question. De plus, cette personne, lorsque son frère fillah cherche à connaître des choses sur l'islam, elle s'étonne de lui en lui disant de manière rabaissante, même cela, tu ne le sais pas. Subhanallah. Jazakallah khair, tfaddal Cheikh bil jawab. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh wa maghfiratuh. Naam. Quand on voit qu'une personne fait prendre et rentrer dans le minhaj et suivre ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, on doit au maximum, naam, on doit au maximum être yani, le plus gentil de tout le monde avec lui. Et essayer au maximum de l'attirer vers le minhaj en étant très doux avec lui et en lui apprenant des choses avec sagesse et avec douceur, naam, pour inshallah ta'ala qu'il soit de plus en plus convaincu de ce minhaj. Et attention à ceux qui sont durs, car ceux-là, ils vont faire fuir les gens. Et je te fais rappeler une chose, que si jamais une personne, tu en seras la cause pour qu'elle fuit du minhaj ou alors de l'islam, c'est que vraiment Allah Azza wa Jal t'a voulu ta perdition. Naam. Si vraiment tu es la cause pour que quelqu'un déteste la salafia, détestent le minhaj et disent je préfère rester habashi et je rentre pas avec les salafs. Je préfère rester tabliri et je rentre pas dans les salafs. À cause de quoi? À cause de X. Et il le cite avec le nom. C'est que vraiment, c'est grave pour ce X. Pourquoi? Car c'est à cause de lui que les gens fuient. Car comme j'ai dit une fois, plusieurs fois, si tu es la cause pour faire rentrer quelqu'un en islam, si lorsque tu es la cause pour faire rentrer quelqu'un en islam et le minhaj, tu auras vraiment, vraiment beaucoup de récompenses, alors l'analogie par opposé est aussi vraie. Ça veut dire que si tu seras la cause pour que quelqu'un fuit l'islam ou fuit le minhaj, c'est que vraiment, yani, Allah Ta'ala va te remplir de quoi? De péché ou l'ayyadu billah. Donc on ne dit pas à quelqu'un tu n'es pas un salafi, on ne lui dit pas est-ce que tu es salafi, tu ne l'es pas, mais on va aller avec sagesse avec lui, on va lui montrer chaque jour et on l'encourage, on lui dit masha'Allah, yani maintenant que je vois que tu penches vers la salafia, tu as changé, tu es devenu masha'Allah, tu es devenu yani, je vois que tu as de la science, je vois ceci. Au contraire, je le flatte pour l'attirer encore. C'est comme ça qu'on doit faire avec quelqu'un qui, j'ai dit au début, il est sincère et il veut apprendre, il veut se rapprocher de moi. Mais maintenant, quand c'est un mubtadi'a et un hypocrite, etc., ça c'est autre chose, bien sûr. Naam. Wallah Azza wa Jalla a'lam. Sanakudo tafadhal. Salam alaikum. La sœur Sarah, veuillez réécrire votre question, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Sanakdo, Inch'Allah, préparez votre question. Tayyib, j'ai oublié la question de Sarah. Naam, je l'ai oublié. Sanakudo, est-ce que tu es prêt, Inch'Allah Ta'ala? Est-ce que tu es prêt? Ali et Safiya, si tu es prêt, pose ta question. Laura Bali, la question. Salam alaikum wa rahmatullah. Barakallahu fik. Comment me protéger du riya, yani riya, l'ostentation, quand elle vient souvent? Peut-elle égarer celui qui est dans la salafia? Autre question rapide. Ar-Rahman, c'est la tribu, yani la tribu de l'entité, et Ar-Rahim de l'acte, yani hada soual. Tafaddal Cheikh bil jawab. Salam alaikum. Naam. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En ce qui concerne l'ostentation, riya, naam, il n'y a pas une personne à qui son nefs ne lui dit pas tu fais l'ostentation. Il faut savoir ceci. Il n'y a pas une personne à qui son nefs ne lui dit pas tu fais l'ostentation. Moi, des fois, avant de rentrer dans le cours, je dis peut-être que je vais faire ce cours yani, pour ostentation. Ce n'est pas pour Allah. Naam. Et je commence à me parler avec moi-même. Donc je fais pas. Ensuite je dis c'est sûrement que c'est le shaitan. Il veut que je dise ce cours c'est pour l'ostentation, la riya. Et comme ça je fais pas le cours. Et comme ça je ne sais pas combien de personnes naam, ne vont pas profiter du dars. Donc il n'y a pas une personne à qui l'ostentation ou là, le fait de faire des choses avec l'ostentation ne lui vient pas dans l'idée. Mais il faut au maximum essayer d'éloigner cette chose de soi en demandant à Allah Azza wa Jal de nous aider pour qu'on soit sincère. Naam, nous aider pour qu'on soit sincère. Bi'idn Allah Azza wa Jal. Naam, il faut faire beaucoup de doua. Et à force de demander à Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité, il va éloigner de nous ce shaitan qui vient nous dire à chaque fois que tout ce qu'on fait c'est sur base d'ostentation. De toute façon, la personne quand elle fait une chose pour Allah Azza wa Jal, elle sent mashallah quelque chose dans son cœur, la sérénité que Allah Azza wa Jal descend dans son cœur comme récompense, pour lui prouver qu'elle a été faite pour son visage, inshallah ta'ala. En ce qui concerne autre chose ici qui est dans la question, attendez que je monte un peu haut. Naam, en ce qui concerne Ar-Rahman. Ar-Rahman, naam, c'est un attribut de l'entité. Ar-Rahman, c'est un attribut de l'entité. car ça ne se détache jamais d'Allah Azza wa Jal. Ar-Rahim, c'est un attribut de l'acte exactement comme c'est posé. Naam, c'est un attribut de l'acte comme a dit Ibn Qayyim rahimahullah dans Sawa'iq al-Mursala. Naam, comme a dit Ibn Qayyim rahimahullah dans Sawa'iq al-Mursala, ou bien aussi dans son livre, dans le livre très connu qui s'appelle Madarij Salikin. Naam. Naam, wajazakallahu khayran. طيب, ensuite dis la question de Sanakodo. Salam alaikum. La définition de la foi est bien une parole avec la langue, yani bil lisan, une confirmation avec le cœur, bil qalb, et les actes avec les membres. Je voudrais savoir si l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'il faut avoir les trois pour être musulman. C'est une question chère. Donc, je voudrais savoir si l'un ne va pas. Ouais, ça a été répété. Et donc, je lirai la deuxième question plus tard, cher. Tfaddal, jazakallah khair. Naam. L'avis le plus sûr, le plus juste des ulama, c'est que l'iman, c'est ça. Naam, c'est d'abord quelque chose qui se trouve dans le cœur. Et ensuite, c'est la concordance aussi avec la langue. C'est-à-dire, si quelqu'un ne dit pas avec la langue, Shahadun la ilaha illallah, Shahadun Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ça ne suffit pas ce qu'il y a dans le cœur. Il faut qu'il ajoute avec la langue. En plus de la langue, il faut qu'il fasse avec ce qu'on appelle le jawarih. Naam. Avec le jawarih, il faut qu'il fasse les choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous a obligés de faire, bien sûr, dans la mesure du possible. Bien sûr, dans la mesure du possible. Car l'iman, naam, c'est ce qu'il y a dans le cœur, ce qu'on dit avec la bouche et ce qu'on fait avec notre corps. Ce qu'on fait avec notre corps, naam, comme ta'at, comme adoration, et les choses dont on s'en éloigne aussi, des autres choses, des péchés, pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour la troisième chose, on fait les choses, naam, d'après quoi? D'après notre possibilité et nos capacités. Allah ta'ala ne te demande pas de faire une chose que tu ne peux pas faire, ni ne te châtie pour une chose que tu as faite sans vouloir le faire. Si quelqu'un te met le revolver sur la tempe et te dit bois de l'alcool, Allah Azza wa Jal ne va pas te châtier pour avoir bu de l'alcool. Et si quelqu'un ne peut pas faire la salat debout car il est malade, Allah Ta'ala ne lui dit pas pourquoi, mais il doit la faire assis ou bien allongé, et comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Tafadhal al-ghuraba. Naam, donc la deuxième question, cheikh, la personne dit, donc si une personne fait un acte qui fait sortir de l'islam, donc mais elle ne le fait pas avec son cœur, mais n'ouvre pas son cœur à cet acte de mécréance. Elle commet l'acte, mais elle ne le fait pas avec son cœur. Est-il musulman ou kafir? Yani, tafaddal bil jawab, cheikh, jazakallah khair. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Alhamdulillah. Pour ceux qui ont assisté le cours dit du début, inshallah ta'ala, j'ai dit qu'en islam, naam, en islam, on ne voit pas ce qu'il a fait seulement, mais on voit pourquoi qu'il a fait. Naam. Si son cœur ne s'accorde pas avec ce qu'il a fait, naam, alors s'il y a contradiction, Allah Ta'ala prend ce qu'il y a dans le cœur et pas ce qu'il a fait. Ce qu'il y a dans le cœur et pas ce qu'il a fait. Naam. Pour citer cet exemple, c'est l'exemple que j'ai cité tout à l'heure. Quand Moussa alayhi salam a jeté la parole d'Allah par terre, c'est un acte de mécréance apparemment, mais Allah Ta'ala ne l'a pas rendu kafir parce qu'il l'a jeté sous l'emprise de la colère. Qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur? Est-ce qu'il y avait la joie de jeter la parole d'Allah, ou bien il y avait la colère et l'emprise de la colère? Quand la colère est très grande, il ne sait plus ce qu'il fait, il ne se maîtrise plus. Allah Ta'ala ne châtie pas cette personne. Allah Ta'ala ne châtie pas cette personne. C'est pour ça que Hatab ibn Abi Balta'a, le grand, l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est allé vers les kuffars pour leur faire part des secrets de la guerre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et imaginez que le messager d'Allah yani taise des choses et les laisse en secret pour faire la guerre aux mécréants, quel est le jour où il va les attaquer, etc. Imaginez que quelqu'un aille chez les kuffars et leur dise: attention, le prophète va venir tel et tel jour vous faire la guerre. Imaginez donner un secret de la guerre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le donner aux kuffars contre les musulmans pour qu'ils puissent combattre eux aussi les musulmans et ne pas se laisser battre. Imaginez si ce n'est pas de la mécréance. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit à cette personne: tu es devenu kafir, mais il lui a dit: pourquoi tu fais cela? Quelle est l'intention qu'il y avait dans le cœur? C'est ça veut dire pourquoi tu as fait cela. L'autre a répondu: au messager d'Allah, je n'ai pas fait cela car je déteste l'islam ou que je veux sortir de l'islam, mais je l'ai fait pour telle et telle raison. Il a cité une raison de la dunya: je l'ai fait pour avoir juste une main ici chez le kuffar, car j'ai remarqué que tous les compagnons avaient de la famille ici chez le kuffar. Si jamais il se passe quelque chose, ils vont chez eux, les kuffars vont les aider, leur famille, etc. Et moi, je n'ai personne ici. Alors, j'ai dit ça aux kuffars, dans ce but, c'est tout. Et bien sûr, il n'est pas devenu kafir. C'est pour te répondre à ta question et pour te dire que, s'il y a contradiction entre le cœur et ce qu'on a dit ou ce qu'on a fait, alors la balance vient du côté du cœur et pas du côté de ce qu'on a dit ou de ce qu'on a fait. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. أمي سانك تفضل أو تفضلي. السلام عليكم شيخ. On a aussi l'Oum Sarah, on n'a pas répondu à sa question. Inch'Allah, si vous me dites si vous voulez répondre, alors je prends la question de Oum 5. Inch'Allah. Tfadal, Cheikh. C'est quoi sa question, Bin Nazar? Et avant de répondre à sa question, Ouraba, tu m'entends? Avant de répondre à sa question, Ouraba, tu m'entends? Naam. Je dis à... Attendez, qui m'a posé la question de maintenant? Il est kafir, il n'est pas kafir. Quelle est la vie le plus juste, etc. Machiada, non. Je parlais tout à l'heure. Non, pas toi, Ommi. Avant toi, il y avait quelqu'un qui a... Snakodo, regarde, Snakodo, je vais te dire quelque chose. Et si tu me crois pas, Bilna'azawajal, le prochain cours, si tu veux, Inch'Allah Ta'ala, je te ramène la page et le tome. Écoutez bien ce que je vais dire. On a posé la question à Ibn Taymiyyah, que les takfiriyon veulent se baser sur lui pour le takfir. Un mot, deux mots, il te dit, Ibn Taymiyyah a dit. Moi, je vous donne, si vous voulez, le tome et la page. On a posé la question à Ibn Taymiyyah. Quelqu'un lui a dit, la paye, quand je travaille chez quelqu'un, il me donne sa paye. Il a dit, la paye, ici, chez nous, il y a quelqu'un qui ne veut pas nous la donner. Il nous dit, je ne vous donne la paye que si vous me faites une prosternation. Je ne vous donne la paye, votre paye, le ma'ash, le risque, seulement si vous faites la prosternation. Tu te mets en bas et tu te prosternes. Imaginez quelle va être la réponse de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Imaginez, la prosternation ne se fait qu'à Allah Azza wa Jal. Quelqu'un te dit, je ne te donne pas ta paye, sauf si tu te prosternes. Imaginez quelle va être la question de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Il a répondu, il a dit, Naam, s'il sait que cette personne ne va lui donner sa paye qu'en faisant cette chose, c'est-à-dire se prosterner, alors il est dans la darura. Alors il se prosterne en mettant dans le cœur que ce n'est pas pour lui, mais pour Allah, et car je suis contraint ici, mais tout en ayant le cœur seulement, je suis dans la daroura. Mieux que cela, je vous donnerai aussi le tome et la page, si vous voulez. Cheikh al-Islam a dit il est permis à quelqu'un de se prosterner, naam, à une statue s'il sait qu'il le fait par peur des kofars. Il est devant les kofars, il a peur, ils vont le tuer. Comment qu'il fait? Alors, s'il ne se prosterne pas, il va être tué. Il a dit, il fait la prosternation à la statue, mais dans le cœur, il ne veut pas la statue. Il veut juste comment fuir de ces maudits pour qu'ils ne le tuent pas. Mieux que cela, il a dit, même si on n'est pas beaucoup d'accord avec lui, mais pour savoir qui c'est M'Temia, il a dit, et si il est en train de faire la da'wa au kuffar, il leur fait la da'wa pour qu'ils rentrent en islam, naam, et qu'il a peur, s'il ne va pas se prosterner devant cette statue, tous les kuffars vont fuir, il a dit qu'il la fasse alors, mais comme une ruse, c'est tout, pas pour Allah, pas pour la statue. Il n'ouvre pas son cœur pour la statue. Il dit, c'est pour juste ne pas les faire fuir et les attirer et les faire rentrer en islam. Tout ça, je peux vous le donner de Majmou' al-Fatawa de Cheikh al-Islam. Je suis prêt à vous donner le tome et la page quand vous voudrez, Inch'Allah ta'ala. Naam, il n'a pas le droit de le faire, snakodo. Il n'a pas le droit de faire cette chose. On lui dit, pourquoi tu aides les mécréants contre les musulmans? Si ce n'est pas de la mécréance, alors c'est un grand péché. Pourquoi tu aides les mécréants à combattre les musulmans? Naam, on lui dit, cette chose, tu n'as pas le droit de la faire. Pourquoi tu l'as fait? Ce n'est pas permis en islam d'aider les mécréants contre les musulmans. Naam, mais il faut voir pourquoi il fait cette chose. Car le prophète islam a demandé, il lui a dit, pourquoi? Il a dit, Hatab ibn Abi Balta'a, pourquoi tu as donné les secrets de la guerre? Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Demandez pourquoi à la personne qui fait la chose qui apparemment est une mécréance est une obligation. Tu demandes à la personne pourquoi tu as fait cela. Allah Ta'ala qui connaît, Allah Ta'ala qui connaît qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs, il a demandé à Satan et à Iblis. Il lui a dit, qui est-ce qui t'a empêché à te prosterner? Allah Ta'ala sait pourquoi Iblis ne s'est pas prosterné. Mais Allah Ta'ala veut nous apprendre de poser des questions. Allah Ta'ala sait pourquoi Iblis ne s'est pas prosterné. Mais il lui a posé la question. Il lui a dit, pourquoi tu t'es pas prosterné? Dis-moi, j'attends ta réponse. Réponds-moi, pourquoi tu te prosternes pas à ce que j'ai créé? Toi, quand tu vois faire quelqu'un faire quelque chose, ne lui dis pas tu es kafir. Tu lui dis, pourquoi tu as fait cette chose? Quand il te dit, ah, je ne savais pas. Tu lui dis, alors tu es excusé si tu ne savais pas. Il faut apprendre ton din. Avant que tu meurs comme ça ignorant. Apprends ton din. Naam. Tayyib, c'est quoi la question de Om Sarah de tout à l'heure? C'est quoi la question puisqu'elle n'a pas compris? Salam alaikum. Donc, question de la sœur, c'est salam alaikum. Une sœur voudrait un rendez-vous avec vous, bien sûr, sur via Paltalk pour exposer sa situation qui est extrêmement difficile au quotidien. Elle a essayé de contacter Cheikh Farkous, Hafidhahullah, sans succès. Cheikh Abdel Hadi, rahimahullah, je pense qu'il est encore en vie, hafidhahullah. Et aussi, de vous envoyer un mail sans succès ni réponse réelle, inshallah. Elle a vraiment besoin d'un sage succès. Cela concerne une situation de mauvais comportement du couple, de maltraitance. Ilikum, Cheikh, le micro, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Moi je promets à la sœur je promets à la sœur, si elle m'envoie un email, que je lui réponds. Naam, cette semaine inchallah, si elle m'envoie un email, que je lui réponds. Il y a déjà 3 ou 4 personnes auxquelles je vais répondre très bientôt. Naam, si elle m'envoie un email bi'idna azza wa jal, je lui réponds bi'idna azza wa jal. Naam, je préfère l'email au PV inchallah ta'ala. Si elle m'envoie un email inchallah ta'ala, je lui promets, si elle me dit maintenant quel est son nom qu'elle enverra avec les mails que je lui réponds, qu'elle me dise maintenant seulement quel est son nom, inchallah ta'ala, elle enverra sous quel pseudo, Omkada X Y, je lui répondrai inchallah ta'ala. Naam, je lui répondrai d'ici demain, après demain, si je vois que c'est vraiment grave, ça nécessite un PV. Inch'Allah ta'ala, on se rencontrera dans le PV, car cela fait une bonne période que je suis fatigué, je peux plus faire les PV. Taïb, le temps qu'elle me donne, quel est son nom, Inch'Allah, lis la question de Ommi, tafadhal. Salam alaykoum, c'est autour de Oum Abdurrahman, cher. C'est Oumi 5, on a déjà posé sa question. Tafadhal, cher. Ou alors Oum Abdurrahman, posez votre question, Inch'Allah. C'est Oum 5, cher. Afoun. D'accord, je vais la lire, Inch'Allah. Salam alaykoum, ya cher. Allah ta'ala, ijazik, bikhair. Ma question est la suivante. Quel est le statut d'un homme né musulman qui ne prie pas? Subhanallah. Est-il considéré comme un kafir? Quelle est la vie le plus juste? Barakallahu fikum. Tafaddal cheikh wa afoun taniyan. Assalamu alaykoum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Fi sawt? Naam. Tayyib. Je vais commencer par dire, s'il y avait la charia, c'est-à-dire les lois de l'islam qui s'appliquaient, quelqu'un qui ne fait pas la salate, on doit lui, quoi? On doit le tuer, ça, lui couper sa tête, bi'idna azzawajal. Naam. Attendez une seconde, on va chercher Adam 23, où est-ce qu'il dit, si on le trouve. Est-ce que tu es sûr que ça s'écrit comme ça, son pseudo Adam? Je ne l'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé Adam 23. Non, je ne l'ai pas trouvé. Il est parti. Non, attends, je vérifie. Je n'ai pas trouvé. El Mohim. Quelqu'un qui ne fait pas la salate en islam, non, en islam, il doit, Inch'Allah, le ghuraba, après le cours Hada, tu m'attends 5 minutes. Entre autres, tu copies Hada Adam 23, tu le mets dans un fichier pour me le donner, je vais le mettre dans la liste, Inch'Allah. En islam, si quelqu'un ne fait pas la prière, comme j'ai dit, on le prend chez le gouverneur. Qu'est-ce qu'il fait de lui? Il va lui demander de faire la prière. Naam, il va lui demander de faire la prière 3 fois. S'il ne veut pas, Il le tue. Ici, s'il arrive au point, comme a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il a dit, s'il arrive au point que le gouverneur lui montre l'épée et lui dise, regarde, si tu fais pas la prière, je vais te couper ta tête. Et il voit l'épée briller, subhanallah, briller sous le soleil. Et son éclat brille. Et malgré cela, il dit, je ne prie pas, tuez-moi. Il a dit, celui-là, il ne faut pas avoir un brin de doute que c'est un kafir. Kafir. Pourquoi? Car il a dit, c'est impossible que quelqu'un accepte de mourir si ce n'est pas qu'il a une aqida dans le cœur. Une aqida qui dit que quoi? Qui dit, il n'y a pas de salat, il n'y a pas Allah, il n'y a rien, je préfère mourir. Sinon, toute personne qui sent qu'elle va mourir, elle a peur. Elle dit, khlas. La salat, je vais commencer la salat. Le djilbeb, je vais mettre le djilbeb. La zakat, prenez tout mon argent. Naam, seulement ne me tuez pas. Si quelqu'un accepte d'être tué, c'est que vraiment, il a dans quoi? Il a le coffre dans le cœur, celui-là. Donc celui-là, pas de doute qu'il est kafir. Mais maintenant, il n'y a pas de sharia. Il n'y a pas de sharia pour essayer de lui faire peur avec l'épée. Ou bien, la pendaison, etc. Un mohim. Maintenant, on va passer à la deuxième chose. Si quelqu'un vit toute sa vie, 20 ans, 30 ans, 40 ans, jusqu'à ce qu'il meure, et n'a jamais fait, je dis bien, n'a jamais fait une prosternation, celui-là, la vie le plus juste, il est kafir. Il est mort kafir. N'a jamais fait, jamais, une seule prosternation. Pourquoi j'ai dit n'a jamais? Parce qu'il est possible que quelqu'un fasse la salate et la délaisse. Il fait 1 an, 2 ans de salate, ensuite 3, 4 mois, il n'y a pas de salate. Ensuite, il fait 6 mois, 8 mois, 1 année de salate, ensuite 5, 6 ans, 10 ans, il n'y a pas de salate. Ensuite, il fait celui-là, non, il ne rentre pas dans notre cas. Je parlais de celui qui n'a jamais fait une seule prosternation. Et maintenant, le troisième cas, quelqu'un qui, il dit, Inch'Allah ta'ala, je vais la faire. Il fait de temps en temps, il arrête, je vais la faire, Inch'Allah ta'ala, je vais la commencer, je vais ceci. Et il n'a pas fait la salat. Celui-là, la plupart des ulamas de l'Arabie Saoudite disent qu'il est kafir. Disent qu'il est kafir, même si dans son cœur, il reconnaît qu'il y a la salat, mais il ne l'a pas faite. Mais d'autres savants comme qui? Comme les quatre grands savants de l'islam, Abu Hanifa, Shafi'i et Imam Ahmed, dans la deuxième version de l'Mourni, tous ces grands quatre ulamas savants ont dit il n'est pas kafir. Ils ont dit si dans son cœur il reconnaît la salat, il dit je sais qu'il y a la salat et que je vais la faire inshallah, ils disent il n'est pas kafir. Pourquoi? Parce que contrairement à ce qu'a dit Sana Kodo, contrairement à lui, ils disent ce qu'il y a dans le cœur ici suffit. Parce que Allah Ta'ala, quand il t'a dit de faire la salat, ou bien t'a dit de faire la zakat, ou bien t'a dit de mettre le djilbab, en fait, quand Allah Ta'ala ordonne d'une chose, il ordonne de deux choses à la fois. Quelles sont ces deux choses? En t'ordonnant de faire la salat, il t'a ordonné d'abord de dire dans ton cœur que la salat est obligatoire, ensuite de la faire. Et quand il ordonne à la femme de mettre le djilbab, il faut d'abord qu'elle dise dans son cœur le djilbab est obligatoire, c'est Allah Ta'ala qui a dit de le mettre, et deuxièmement qu'elle le mette. Alors en ne faisant qu'une seule chose, c'est-à-dire reconnaître avec le cœur, c'est tout, cette personne n'a pas délaissé toute l'obligation, mais elle a délaissé une partie de l'obligation, car chaque obligation contient deux choses: ce qu'il y a dans le cœur, ce qu'on appelle en arabe aqwal al-quloub, car il y a aqwal al-quloub, il y a les paroles du cœur et les actes du cœur. Chaque musulman fait d'abord noue le cœur contre l'obligation, il noue le cœur pour cette obligation. Il a fait la première obligation, et la deuxième, il va appliquer cette chose. C'est pour ça que celui qui dit que dans son cœur la prière obligatoire, ce n'est pas comme celui qui a dit je ne reconnais pas cette salat, je la renie. Celui-là, il est devenu kafir. Mais l'autre, il a dit non, il y a la salat, mais moi je ne l'ai pas encore commencé, je suis feignant, j'aime la danse, j'aime ceci, je ne l'ai pas commencé. Il y a une grande différence entre les deux. C'est pour ça que les quatre grands ulama, et avec eux bien sûr Mohamed Nasruddin Albani rahimahullah, a dit celui qui ne fait pas la salat, s'il la reconnaissait dans son cœur et il est mort, il a dit celui-là il n'est pas kafir. C'est pour ça que je vous ai toujours dit et je redis, je donne l'exemple du djilbab qui est très clair. Si une femme reconnaît le djilbab dans son cœur et dit sah, le djilbab est obligatoire, il y a un verset dans Sourat An-Nur du djilbab, il y a un hadith du djilbab, mais ne le met pas à cause de elle suit ses passions, ou bien la honte, ou bien la ceci, à cela, alors cette personne n'est pas kafira. Pourquoi? Parce qu'elle a reconnu qu'il y a du djilbab, mais seulement elle ne l'a pas encore mis, pour des raisons, pour le shaitan, pour ceci, pour cela, ça ne m'intéresse pas beaucoup. L'essentiel, elle a reconnu dans son cœur qu'il y a le djilbab. Si elle meurt, elle a fait un grand péché. Mais écoutez bien le contraire. Mais si une femme, elle dit, je renie le djilbab, je ne veux pas croire que ça vient d'Allah. Non, ça ne vient pas d'Allah. Je renie le verset qui dit qu'il faut mettre le djilbab. Celle-là, même si elle va acheter le djilbab et le mettre, elle est kafira. Si elle meurt, elle ne sort pas de Jahannam. Subhanallah l'adhim. Donc, celle qui n'a pas mis le djilbab et a reconnu dans son cœur qu'il y a le djilbab, si elle meurt, elle est musulmane. Si Allah Ta'ala veut la faire entrer en enfer d'abord pour le djilbab, il la fait rentrer. S'il veut lui pardonner, il lui pardonne. Et l'autre qui a mis le djilbab et s'est couvert et s'est pas montré devant les hommes, si elle meurt, elle rentre à Jahannam, en enfer, kafira, pour ne plus ressortir. Pourquoi? Parce que dans son cœur, elle n'a pas reconnu le djilbab. Elle a dit, je le renie. Il n'y a pas de djilbab en islam. Je suis contre. Naam. Tayyib. C'est quoi la question de Ommi? C'est quoi la question de Ommi? Salam alaikum Yachir, je répète la question donc. Ma question est la suivante. Quel est le statut d'un homme né musulman qui ne prie pas donc? Est-il considéré comme un kafir? Quelle est la ville plus juste? Barakallahu fikum. Tfaddal Cheikh, jazakallah. Justement, Rouraba, j'ai dit quelle est la question de Ommi. Justement, je viens juste de répondre à Ommi. Tout ce que je disais, c'était pour Ommi. Sauf si vous ne m'entendiez pas quand je parlais. Est-ce que le Rouraba, vous m'avez entendu quand je parlais de Salat et la Salat? Naam, vous m'entendez? Naam. Maintenant, moi, Naam, je viens de perdre ici. L'électricité vient de se couper. Naam, je parle maintenant avec vous sur batterie. Il ne me reste pas beaucoup. Naam, je dois, inchallah ta'ala, vous quitter bin azawajal pour vous rencontrer inchallah ta'ala après demain. Naam, je vous dis barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.